T'étais plutôt nature, et tu avais de l'allure, avec tes cheveux gras et tes poils sous les bras. Perdu dans la verdure, au milieu des pâtures, tu comptais tes moutons avec ton petit bâton. Mais non, c'était mieux, c'était dans l'été. Mais dans le temps, j'ai Ouais, ta mère, comment ça, dans ma mère? Ouais, ta mère, c'est à vous.